Quels sont les secrets des millionnaires? La question d'un million d'euros est l'une des plus recherchées pour avoir une bonne stabilité financière ambitieuse. Que devez-vous faire pour atteindre le sommet, accumuler des capitaux propres et avoir une vie financièrement tranquille? Bien que ce ne soit pas un chemin facile, ce n'est pas non plus un chemin impossible. Beaucoup de gens peuvent marcher sur cette route et devenir millionnaires. Cependant, cela demandera beaucoup de travail et de dévouement. Pour vous aider dans cette quête, je vais vous dévoiler dans cette vidéo 7 secrets que les millionnaires se gardent bien de garder entre eux. Découvrez maintenant cette habitude que vous devez acquérir. Étape 1. Définissez les priorités. Personne ne peut embrasser le monde entier et atteindre plusieurs objectifs à la fois. Si vous essayez de le faire, la probabilité de ne pas atteindre l'un d'entre eux est élevée. Il est inutile d'essayer de réconcilier un million de passe-temps et de capacités. Si vous voulez réussir, apprenez à définir des priorités. Établissez ce qui est essentiel pour vous et vos objectifs et accordez une attention particulière à ces problèmes. Pour cela, vous devrez apprendre à mieux vous connaître et comprendre ce qui vous rend heureux. Établir des priorités signifie faire des choix, pas toujours faciles. Souvent, il sera nécessaire d'abandonner, par exemple, des moments en famille ou entre amis. Soyez prêt à faire face aux choix et aux conséquences de ceux-ci. Étape 2. Ne dépensez pas tout ce que vous gagnez. Les millionnaires parviennent généralement à accumuler de plus en plus de richesses. Bien sûr, avoir de l'argent à investir aide. Mais ils partent aussi d'un principe très simple. Ne jamais dépenser tout, ou pire, plus que ce qu'il gagne. Si vous êtes une de ces personnes qui arrivent à la fin du mois sans argent, des comptes en rouge, il est temps de repenser vos habitudes dès maintenant. Commencez à réduire les dépenses et revoyez votre niveau de vie. Cela peut être difficile au début, mais c'est une attitude nécessaire. Impliquez la famille dans la planification du nouveau budget et élaborez un plan pour rembourser les dettes et maintenir les dépenses dans les limites établies. Au fil du temps, cela deviendra une habitude et il sera beaucoup plus facile de garder les comptes à jour. Étape 3. Maintenir l'organisation. Vous verrez à peine des histoires de millionnaires et de professionnels qui ne gardent pas leur routine et leurs environnements de travail organisés. C'est parce que la mauvaise organisation ne rencontre rarement le succès. Au contraire, elle a tendance à marcher dans la direction opposée. Alors, commencez à vous organiser dans divers aspects de votre vie. Vous pouvez, par exemple, mettre les finances en ordre en utilisant des applications et des feuilles de travail de contrôle. Établir des horaires pour l'exercice physique. Imposer une limite quotidienne d'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux. Adopter un objectif d'investissement mensuel. Organiser vos réunions, événements et tâches dans un calendrier numérique ou papier. De toute façon, si vous voulez devenir millionnaire, vous devez prendre le contrôle de votre vie dans tous les aspects. Organisez-vous pour mieux utiliser vos horaires et optimiser vos revenus, tant dans votre vie professionnelle que personnelle. Étape 4. Comprendre la différence entre les dépenses et l'investissement. S'il y a une chose dont les millionnaires sont bons, c'est certainement les investissements. Vous pouvez être sûr que la plupart ou la totalité d'entre eux font des investissements. Ils comprennent que pour gagner de l'argent, il faut d'abord débourser de l'argent et le placer dans des bonnes niches. Bien sûr, nous ne parlons pas de dépenser de manière extravertie sur des produits superflus et inutiles. Le secret est ici. Les millionnaires comprennent la différence entre les dépenses et les investissements. Ainsi, lors de vos prochaines décisions financières, tenez compte de cette question. Réalisez-vous un investissement ou est-ce une dépense superflue? Faites des choix intelligents et profitez des bonnes occasions pour assurer le rendement de votre argent investi. Étape 5. Ayez des objectifs d'économie intelligente. Évidemment, personne ne peut devenir millionnaire sans faire d'économie, épargner et investir une part de ce qu'il gagne chaque mois. Par conséquent, les objectifs de l'économie devraient également faire partie de la vie de tout millionnaire en herbe. Déterminez les objectifs d'économie en fonction de vos gains et veillez à ne pas fixer d'objectifs trop élevés. Dessinez des objectifs réalisables et augmentez la difficulté au fur et à mesure que vous gravissez les échelons. Si vous définissez des objectifs hors de la réalité, vous courez le risque de ne pas être en mesure de les atteindre et de finir par être découragé. Une bonne stratégie consiste à adopter la gestion 50-35-15. Cette méthode consiste à dépenser 50% du salaire sur les comptes de base, tels que le loyer et les services publics, 35% sur le mode de vie, par exemple, l'alimentation et les loisirs, et 15% sur les objectifs financiers. Si vous pouvez le faire, votre projet est déjà bien avancé. Étape 6. Soyez discipliné. Avoir de la discipline, c'est faire ce qui doit être fait, quelles que soient les conditions, votre humeur ou tout autre facteur. Par exemple, si vous vous engagez à enregistrer une valeur mensuelle, vous ne devriez pas être tenté d'acheter un nouveau smartphone et de compromettre cet objectif. La même chose vaut pour toutes les habitudes que vous essayez d'acquérir. La motivation initiale disparaîtra probablement avec le temps, et seule la discipline vous gardera sur la bonne voie. Relevez constamment le défi et prouvez-vous que vous êtes capable de rester ferme dans vos décisions. Si vous ne pouvez pas épargner vous-même, par exemple, vous pouvez investir dans un consortium. Grâce à cet investissement, vous apprendrez à mieux contrôler vos finances, et à la fin, vous aurez toujours le choix de vous offrir une voiture ou un appartement. Étape 7. Apprendre constamment. Enfin, nous ne pouvons manquer de mentionner que les millionnaires sont généralement des personnes bien informées, et bien informées sur divers sujets. Ne pensez jamais que vous en savez déjà assez sur n'importe quel sujet, ou que vous n'avez pas besoin d'en apprendre un peu plus chaque jour. Prenez chaque seconde gratuitement pour lire ou écouter quelque chose d'intéressant et ajouter quelques connaissances. Prenez l'habitude de lire et de profiter de moments pour apprendre quelque chose. Cherchez des cours et de la formation en finance, gestion et autres sujets. Suivez les blogs, podcasts, des chaînes, magazines et autres publications qui fournissent un contenu intéressant et utile. Nous pouvons donc nous assurer que les secrets des millionnaires impliquent beaucoup de discipline, de dévouement et de travail acharné. Commencez à vous organiser, fixez des objectifs et saisissez les opportunités pour votre tranquillité d'esprit. Ne perdez plus de temps. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi part de vos impressions ci-dessous et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela dit, passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.